t'invite dans mes rêves où tu ne viens pas. Le sourire aux lèvres, tu t'en vas. Ton image est sur le mur, tu ne réponds pas. Ton regard est pur, écoute-moi. Que tu aies moins peur.